photo, radio et théâtre. À noter, les ateliers dessin dans la ville et percussions africaines ne sont offerts que ce printemps. Programmation complète au sac.umontréal.ca. Bientôt la première édition de la partie de pêche du poisson d'avril à l'Abreuvoir. Équipé d'une canne à pêche style vieille branche, fil de pêche et hameçon, vous pourrez sortir et faire cuire votre prise sur notre charbon de bois ou la rapporter chez vous. Un petit vin chaud au Jager sera servi aux pêcheurs afin de s'assurer que cette journée soit épique. Cette compétition amicale prendra place sur notre célèbre terrasse chauffée le lundi 1er avril dès 17h. L'Abreuvoir, pub, club, terrasse, pourvoirie. Oceaga présente The National live à Montréal le 13 juin au Canal Lachine. Avec invité spécial The Bar Brothers. Billets en vente maintenant au 1-855-310-2525 et sur evenco.ca. Pour en savoir plus sur le groupe, visitez le americanmary.com. The National au Canal Lachine le 13 juin. Écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir, Jean-François Lusignan avec vous pour l'émission Le Terminus en ce vendredi 5 avril. Le Terminus, c'est quoi? C'est une émission pour vous faire entendre du rock indépendant et un peu tout ce qui gravite autour. Donc, parlant de rock indépendant ou plus ou moins indépendant, on va entendre ce soir le nouveau projet de Thurston Moore, Chelsea Light Moving, également nouveauté Telekinesis, nouveau Wax Idols, également nouveauté du côté de British Sea Power. On va avoir des trucs un peu moins nouveaux comme Les Chiens, Alex Rossi, et classique de la semaine, ça sera The One of These plus tard dans l'émission. On va commencer avec une bande de l'Arizona, ils s'appellent Dream Sick, ils viennent de lancer leur deuxième album en carrière de façon complètement indépendante, seulement sur Internet. Album qui s'appelle Morkis, qui est, après une petite recherche sur le Urban Dictionary, une façon d'appeler le lendemain de veille. Donc, j'imagine qu'en Arizona, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et peut-être vous pourrez utiliser ce mot-là, Morkis, demain matin, après votre brosse de ce soir. On va entendre la chanson qui ouvre l'album Morkis, la chanson A Fool de Dream Sick, sur les ondes de CISM. Duo de Manchester, c'était Bad Grammar et leur chanson Tie or Die, qui est un extrait qui vient de sortir sur le label norvégien Gravy Records. Et juste avant, c'était un autre recrue de ce label, le Gravy. C'était The Brownies avec Tropical Brownies, une chanson qui figure sur leur EP Finger qui est sorti en 2011. On est maintenant rendu au classique de la semaine. Cette semaine, c'est The One of These, un groupe suédois qui va avoir existé en fait entre 88 et 2009. Et c'est vraiment l'album Be a Girl sorti en 94 qui va vraiment les avoir fait connaître. En fait, ils auront connu à ce moment-là un grand succès au Royaume-Uni et ensuite à l'international. Et en 96, il y aura même une chanson sur la trame sonore du film Roméo et Juliette avec le beau Leonardo. C'était la chanson You and Me Song, si ça vous dit quelque chose, sur la trame sonore de Roméo et Juliette. Et à l'époque, donc, il n'y avait pas meilleur moyen que d'être populaire, que de figurer sur cette trame sonore-là de Roméo et Juliette. Et, mais nous, on va entendre une autre chanson de l'album Be a Girl, sorti en 94, plutôt la chanson Might Be Stars des Suédois de One of These. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Le Terminus. We'll be right back. Les chiens, détente subliminale, une chanson qui se retrouvait sur leur tout premier album sorti en 98. Donc, une de leurs tout premières chansons des chiens, dont on n'entend pas grand-chose ces temps-ci. Il semblerait être un peu en pause pour laisser plus de place au projet Country Folk d'Éric Goulet. Mais on devrait, je crois, en entendre parler davantage prochainement. Ils ont recommencé à faire quelques spectacles quand même ces temps-ci à Montréal. Et avant les chiens, c'était précédé de Camperdown and Hout, une formation de Sydney. Et c'était leur chanson et Good Sound. Et je vous rappelle que si vous voulez trouver la liste des chansons qui tournent pendant l'heure et même réécouter l'émission, ça se trouve sur le CISM893.ca quelques minutes après la fin de l'émission. Mais l'émission n'est pas terminée. On continue maintenant avec du Télékinésis, le projet de Michael Benjamin Lerner, qui a pris un virage un peu moins rock depuis quelques albums. Il sortait là, dans, il n'y a pas tellement longtemps, un nouvel album qui s'appelle Dormarion. En fait, je pense que c'était même cette semaine. C'est son troisième album qui vient de paraître donc, sur Merge Records. Et si vous voulez le voir en spectacle, il sera à Montréal, au Île Motoré, le 11 mai prochain. On écoute sa chanson Power Lines de Télékinésis sur les ondes de CISM. I'm pas balèze, mal barré, vulgaire, maudit, largué, avif, raté, amaigré, faiblard, floué, trompé, à poil, loser, parano, alcoolique, hystérique. Dans la merde, je me sens dans la peau de John Kenneth Toole. Je me sens dans la peau de John Kenneth Toole. Coulé, imbaisable sur ma faim, pas français, trentenaire, assisté, solitaire, disparaître, bâtard, explosé, à retardement, mon chien stupide. Sans attache, pas fort, sous du cul, balu. Je me sens dans la peau de John Kenneth Toole. Je me sens dans la peau de John Kenneth Toole. Je me sens dans la peau de John Kenneth Toole. Je me leur tout nouvel album Discipline plus Desire. C'était Wax Idols avec The Throne. Et juste avant, c'était le franco-italien Alex Rossi avec Dans la peau de John Kennedy Tool. On poursuit maintenant encore en français avec, dans le prochain segment, vous allez entendre Les Morts avec Got Queer. Mais tout d'abord, l'indice avec Tu penses que tu danses à l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM. We'll be right back. Vous l'aurez reconnu, c'était Thurston Moore, l'ex-Sonic Youth, son nouveau projet Chelsea Light Moving, la chanson Burrows qui se retrouve sur Chelsea Light Moving, l'album qui est sorti il y a quelques semaines et j'entendais dernièrement qui sera M. Thurston Moore, comme pas mal à chaque année, en fait, il était là souvent par le passé au festival de musique là, à Victoriaville. Donc, nouvelle musique ou musique actuelle, c'est ça. Donc, festival de musique actuelle à Victoriaville. Thurston Moore sera là cette année. Et sinon, je voyais cette semaine que Thurston Moore participe également à un projet assez cool en collaboration avec Lou Barlow, l'ex, en fait, plus ex maintenant, mais Dinosaur Jr. et Sebado. Et aussi David Wow de Jesus Lizard. Donc, les trois ensemble vont lancer une série de 7 pouces qui s'appelle « Cause and Effect ». Donc, le concept, c'est que sur la face A, il y a une chanson qui aura influencé dans leur carrière ces musiciens-là. Et sur la face B, une nouvelle chanson influencée ou vraiment influencée, c'est ça, influencée par la première chanson. Donc, « Cause and Effect », un titre colle bien au projet. Donc, il va y avoir 3 7 pouces sortis ensemble dans un coffret. Et on prévoit sortir à chaque année comme ça un nouveau coffret de 3 7 pouces. Et le premier déjà en coffret, déjà en précommande sur le label Joyful Noise, si ça vous intéresse. Joyful Noise, allez voir ça sur Internet pour écouter d'autres musiques de Thurston Moore. On va poursuivre maintenant avec un groupe rock de Calgary. Il s'appelle Peer Support. On écoute leur chanson Non-Challent à l'émission Le Terminus. We'll be right back. Peer Support et leur chanson Non Challenge. Restez à l'écoute dans quelques instants. Zika Mendes s'en vient avec son émission La Main Faille. Sinon, pour la liste des chansons, c'est sur le CISM893.ca. C'est disponible dans quelques minutes. Également, archive de l'émission, leterminus.ca pour écouter l'émission. On va se quitter avec de la musique de British Sea Power qui ont fait paraître cette semaine, mardi dernier, leur sixième album en carrière qui s'appelle Machineries of Joy. On écoute la chanson titre Machineries of Joy de British Sea Power. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, très bonne semaine également. On se reparle vendredi prochain. Non, on ne se reparle pas la semaine prochaine. Je suis en vacances. Je vais avoir un remplaçant qui va être là, donc pas de reprise. On se reparle dans deux semaines pour une autre édition de l'émission Le Terminus, tous les vendredis, 21h. Ciao! It's only what he said.